J'ai plusieurs The Black que je veux effacer. Elle est gentille à Isha, Isha. Elle est solide à Isha, Isha. Dans les galères à Isha, Isha. C'est la première à Isha, Isha. A Isha, Isha, Isha. A Isha, Isha, Isha. Dans les galères à Isha, Isha. C'est la première.